Tunnelic to say. Baldwin, I want a drink. Yes, sir. On ne discute pas s'il n'y a rien à boire.